Kawet Thériault et Associés, ce Sénat d'AGREF de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Janton profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population et rappellent d'être prudents en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appartage, contactez le 418-2478 ou encore le 275-5151. En cette période de réjouissance, Construction Proco, qui se spécialise dans la charpente, structure de pont et revêtement, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Notre entreprise est très fière d'être impliquée dans la construction du nouveau pont dans notre secteur et remercie la population pour sa patience pendant les travaux. Construction Proco, une entreprise de notre région. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaise-en-Besson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaise-en-Besson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Même durant le temps des fêtes, là, on prend congé un petit peu des revues de l'année. On va y aller avec la chronique de la NFL avec notre ami Marc Diquet. Salut Marc. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Marc, tu passes des belles fêtes jusqu'à maintenant? Ah oui, oui, très, très, très occupé, très chargé, mais effectivement. On se repose surtout. Ça fait du bien. J'ai eu un mois de décembre assez éprouvant. Ça fait du bien de rien faire, je te dirais. Ben oui, c'est sûr. Donc, Marc, on va y aller avec c'est toujours lundi, c'est toujours le Black Monday. Coach is on the hot seat. Greg, who do you think? Il y a toujours le Black Friday. Jack Del Rio coming down to Rossi. Il y a plusieurs qui risquent de perdre leur emploi. Et on va y aller maintenant. D'après moi, il y a des entraîneurs, je pense, qui vont perdre. Évidemment, Chuck Pagano à Indianapolis, c'est pratiquement certain qu'il ne sera pas là. Et il y en aura d'autres, mais John Fox, ce serait pas surprenant également. Et comme on avait dit, Marvin Lewis, lui, s'est confirmé qu'il ne revient pas. Ben McAdoo a déjà confirmé, c'est déjà fait également, qu'il n'est plus avec les Giants de New York. Y a-t-il d'autres entraîneurs que tu vois que son poste pourrait être en danger? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Des fois, on est surpris, il y en a quelques-uns. Est-ce que, puis le premier qui me vient en tête, qu'on pourrait être surpris, mais c'est pas impossible, c'est Jack Del Rio avec les Raiders. Ouais, est-ce que ce gars-là est en danger? Parce que les Raiders, on le sait, c'est une équipe qui a la mèche courte. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs autour de John Gruden, l'analyste, là, l'ancien coach des Buccaneers, des Raiders, justement. John Gruden, qui est un gars qui, contrairement à Bill Cowher, qu'on voit revenir dans la NFL. Okay. Et j'entends son nom avec les Raiders, entre autres. J'entends son nom même avec les Buccaneers. Parce que je pense que pour les Buccaneers, les carottes sont faites également pour le coach en place. Donc, si un gars comme John Gruden est disponible, je pense que les Raiders vont peut-être peser sur le crayon parce que c'est un gars qui va coûter cher. Là. Parce que John Gruden, comme analyste à ESPN, gagne quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Puis il y a une sécurité d'emploi quand même de loin supérieure. Donc, je ne sais pas si Jack Del Rio va survivre à ça. Là. Moi, c'est quelqu'un que je ne serais pas surpris qu'il perde son emploi. Là. Il y a plusieurs noms également qui reviennent. Mike Mullenke à Tennessee, si les Titans ne sortent pas des séries, d'après moi, puisque c'est pas encore officiel, eux autres aussi, lui serait en danger. On parle également de Gruden, Jay Gruden à Washington, pourrait être également. Il y a aussi le nom de Jim Caldwell à Détroit. Les Lions de Détroit, là, ça va nulle part. Hein? Ça fait des années que les Lions de Détroit, ça va nulle part. Puis encore une fois, lui également, ce n'est un autre qui pourrait perdre son emploi. Et tant qu'à ça, Hugh Jackson avec les Browns, tu fais quoi? Je veux dire, il y a une victoire en deux ans. Cette année, est-ce qu'on a vu des signes de progression avec les Browns? Non. Pas vraiment. Vraiment pas. Il y avait un match qu'on a failli remporter contre les Packers qu'on a perdu. De façon assez serrée. Est-ce que Hugh Jackson, c'est encore le gars qui puis moi j'entends des rumeurs que Cincinnati voudrait le récupérer encore une fois. Aïe, aïe. Puis peut-être faire une transaction. Mais là, de m'amener, là, j'espère qu'on se trompe, là, parce que là, de m'amener, c'est assez, là. Je l'ai mentionné aussi au début de l'entrevue, John Fox, ça n'a pas été conclu avec les Bears de Chicago, John Fox, hein? Pas du tout, mais tu sais, je veux dire, les Bears, encore une fois, c'est une équipe qui, depuis quelques années, coaches on the hot se cherche. C'est bien beau pour armer l'entraîneur, mais quand on regarde les joueurs sur le terrain, pas faire grand miracle avec ça non plus, là. Non. Tu peux pas faire grand miracle, puis les Titans, tantôt, pour les suivre un peu, moi, c'est une équipe qui explose pas quand c'est le temps. Ça, par contre, là-dessus, il y a un constat qu'il faut faire sur le travail de l'entraîneur-chef et de ses adjoints. T'sais. L'équipe, quand c'est le temps, n'explose pas. C'est ça qui est choquant dans ce temps-là. T'sais. L'équipe, on dirait qu'elle vient flat d'un moment. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir aussi. Mais, tu sais, là, on a nommé plein de noms. Ça arrivera pas tous, ces noms-là. Non, c'est ça, sûr. Mais il va avoir énormément de changements dans le personnel. Parce que aussi, un DG va laisser la chance à son coach peut-être de faire un changement au niveau. Parce que les entraîneurs adjoints au football, ça a beaucoup plus de pouvoir que dans beaucoup d'autres sports. Là. C'est le coach de défensif au football l'amène large. Même chose pour le coach offensif, puis ils ont de l'impact, ces gars-là. Fait qu'il va peut-être avoir de la chaise musicale qui va se faire dans ce rôle-là. Je serais pas surpris non plus. Mais tu parles de déception. Les Raiders d'Oakland, c'en est une grosse déception. Moi, après les Pats, c'est mon équipe. Les Raiders, c'est ma deuxième équipe. Puis, écoute, après la saison qu'ils avaient connue l'an passé, tous les espoirs étaient permis. Il y en a même qui prédisaient le Super Bowl. Moi, je pense qu'un des mauvais changements qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas gardé la Denis Murray. On est allé avec Marshall Lynch qui a pas. Écoute, un demi à 31 ans, qui a été un an absent. J'ai bien de la misère avec ça. Même si moi, il s'appelle Marshall Lynch, j'ai un petit peu de misère avec ça. Je suis d'accord avec toi, mais les Raiders, par contre, il faut faire attention. C'est peut-être une équipe, ils ont peut-être gagné trop vite là, deux ans. Puis là, on a eu une mauvaise saison, puis l'an prochain, bang, on peut peut-être arriver. Puis souvent, ça arrive, il y a des équipes comme ça, qui connaissent une grosse saison, un peu avant leur temps, puis la saison d'après, boum, c'est pas pareil. Puis là, t'arrives l'autre saison d'après, puis là, t'es prêt. Ça pourrait être le cas des Raiders l'an prochain. Là. Ça pourrait vraiment être le cas. Et surtout que j'ai écouté le match plate, je l'ai écouté ce matin. Quel match plate le soir de Noël contre les Eagles de Philadelphie en passant. On a changé de coordonnateur à la défensive. C'est John Pagano qui est maintenant là. Puis depuis qu'il est là avec les Raiders d'Oakland, on fait beaucoup plus de sacs au corps. Puis la défensive s'est nettement améliorée. On a congédié Ken Norton. Puis ça pourrait être concluant. Marc, Jimmy G, encore une fois. Hein? C'est incroyable, 5 victoires. 4 victoires. Demain, il va y aller pour une cinquième. J'ai hâte de voir la suite des choses, parce que la semaine passée, c'était quand même un gros test contre les Jaguars de Jacksonville. Les Jaguars, il faut dire que Jimmy G a été aidé par Blake Bortles, qui a été archi mauvais, et beaucoup de pénalités aussi. Fait que, je peux te dire que c'est l'avenir est rose à San Francisco. Là. Enfin. Ouais. Sauf qu'oubliez pas une chose, par contre, l'année prochaine, ils vont se faire attendre avec une brique pour la finale. Quand ils vont jouer leur match, là. Mais oui, cette transaction-là est très concluante pour les 49ers. Tom Brady qui dit qu'il veut jouer jusqu'à 45 ans. Fait que, je veux dire, les Pats n'avaient pas le choix de procéder à une transaction. Mais effectivement, là, ça. Puis, en plus, il y a le coach parfait pour ça. Hein. Il y a le coach parfait pour s'éclater offensivement. Puis, on a été patient avec. Tu sais, on ne l'a pas utilisé dès les premières semaines qu'on a fait son acquisition. On se rend compte que ça a payé. Que ça a payé pour les 49ers. Puis oui, l'an prochain, effectivement, c'est une équipe qui risque d'être quand même assez surprenante à surveiller. Là, vraiment, vraiment. J'ai hâte de voir parce que les 49ers, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on envoie un signal aux équipes de leur division de dire « Hey, l'année prochaine, je pense que fort être bon pendant l'off-season. » je pense qu'il va falloir s'améliorer un peu parce que les autres, beaucoup, ça arrive. J'ai hâte de voir le marché des joueurs autonomes. Ça va être très, très intéressant de voir le marché des joueurs autonomes également. Comment qu'on va entourer Jimmy G, hein? Tu sais, il n'y a pas grand-chose à part Jimmy G, là. Marc, es-tu là? Ouais, je t'ai perdu. Oui, OK. Donc, ce que je disais, Marc, j'ai hâte de voir le off-season, le marché des joueurs autonomes, parce que comment qu'on va entourer Jimmy G, parce qu'il n'y a pas grand-chose à part Jimmy G, là. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréal. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 88-276-61-70. La période des fêtes est le moment propice pour vivre de doux moments avec ceux qu'on aime et aller vers l'autre généreusement. Je vous encourage aussi à faire vos achats localement pour supporter votre collectivité et son économie. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi pour vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2018. On est de retour à danradiosport.com avec Marc. Marc, c'est le dernier match de la semaine pour les équipes. Peut-être mentionner actuellement ceux-là qui sont encore en vie. Dans l'américaine, les Chargers de San Diego 8-7, les Bills de Buffalo 8-7. Dans la nationale, les Seahawks de Seattle à 9-6. Les gens qui se posent des questions si les Chargers ont encore des chances, pour que les Chargers doivent participer aux séries, il faut qu'ils gagnent, il faut que Tennessee perd et que Buffalo perd également. Du côté des Bills, qui est une ils n'ont pas fait les séries depuis 1999. Il faut qu'ils gagnent et que les Ravens perdent. Et aussi qu'il y aurait une égalité entre les Bills et les Chargers. Donc les Bills sont vraiment mal foutus. Et dans la nationale, pour que les Seahawks gagnent ou participent aux séries, ils doivent gagner et qu'Atlanta perd. Et Atlanta, ce sera pas facile demain contre les Panthers de Caroline. Par contre, non, les Panthers, par contre, ouais. Ouais, c'est souvent, ils vont l'équipe B. Là. Fait que c'est ça, le match c'est Atlanta, donc peut-être que les Falcons ont des chances de se qualifier pour les éliminatoires. Par contre, dans le cas des Bills, c'est pas compliqué, là. Une défaite des Ravens, ils sont là. Sauf que, je vais te dire une chose, est-ce que Cincinnati va battre les Ravens à Baltimore demain? Jamais. Ouais. Fait qu'oubliez ça, là, fans des Bills, je pense pas que vous allez être en... Mais ça prouve une chose, hein? Tu sais, je regarde le classement, puis supposons que ça change pas, là. Supposons que c'est les Titans et les Ravens qui sont là. Ouais. C'est pas des gros clubs, hein? Non. On va se le dire, là. C'est pas une grande QV. Là. La ronde des wildcards, là, ça sera pas si relevé que ça, je pense. Là, j'ai hâte de voir. Ces deux équipes-là. J'espère que ça va être des meilleurs matchs éliminatoires que l'an dernier, parce que l'an dernier, c'était très ordinaire. Là. Moi, je me rappelle, on a eu le meilleur Super Bowl des 51 dernières années. Par contre, il y a eu un match que c'était intéressant, c'était Green Bay-Dallas. À part de ça, il n'y a rien eu, là. C'était très ordinaire comme série. Tu t'en rappelles, la marque l'année passée? Ben écoute, je m'en rappelle pas. Fait que ça n'a pas dû être bon. Ouais. Là, non. C'est que c'est pas mémorable. T'as raison, ça a mis la l'heure là-dessus. Puis tu sais, avec des équipes comme les Titans, les Ravens, ou sinon les Chargers ou les Bills, tu dis ouais. Hey, quand ils vont dans le lycée, j'ai pas grand espoir avec ces clubs-là, je te dirais. Mais quand même, on verra, mais je suis convaincu que les Ravens vont être là parce que le Conseil Cincinnati oubliait ça. Là. Ben, t'as des équipes comme. Tu parles d'équipes qui ne sont pas là, là. Les Raiders Oakland auraient dû être là. Également, t'aurais dû avoir dans la nationale les Cowboys de Dallas qui auraient dû être là. Les Packers de Green Bay qui auraient dû être là. Tu sais, quand au début de l'année, il y a beaucoup d'experts qui disaient que les Packers allaient se rendre quasiment jusqu'au Super Bowl, mais la blessure d'Aaron Rodgers a changé beaucoup de choses. Tu sais, donc ça laisse la place à des nouvelles formations, mais c'est surtout dans l'américaine que c'est moins excitant. Tu es d'accord avec moi? Ben, fait, ouais, c'est ça, ouais, l'américaine c'est pire. La nationale, c'est les équipes qui sont là, tu sais, à part les Falcons ou les Seahawks. Qui seront possiblement l'équipe faible à se qualifier. Mais encore là, Philadelphie va être là parce que. M'a dit en affaire, j'ai regardé le match le lundi soir contre les Eagles, c'était plate en tabarouette. Là. Ouais, mais tu sais, on n'aurait pas grand-chose à gagner là, dans ce match-là. Je veux dire, rendu là, tu sais, on est allé mollo, là, puis je pense que je peux comprendre pourquoi. Puis quand même, les Eagles sans Carson Wentz, je pense qu'ils peuvent être dangereux quand même. Je te dis pas qu'ils vont gagner le Super Bowl, là. Mais je pense qu'ils peuvent être quand même une équipe plus dangereuse qu'on peut penser. Là. Vraiment plus dangereuse qu'on peut penser. On doit améliorer du côté des Eagles la situation du 3. Écoute, avec Carson Wentz, les Eagles, c'est la meilleure équipe de la NFL pour convertir le troisième jeu en premier jeu. Puis avec Nick Foles, ça a changé considérablement. Mais tu sais, il y a deux matchs. Ben, c'est ça, il y a deux matchs. Puis il t'en reste peut-être juste trois pour gagner. Là, c'est pas la fin du monde non plus. Là. On a déjà vu des équipes avec un deuxième carrière remporter le Super Bowl. Là. Je pense que c'était Trent Dilfer, je pense. Je me souviens plus, là. Mais ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. C'est assez ordinaire, merci. Marc, je vais te souhaiter une bonne année. Beaucoup de santé. Oui. Toi, tu reviens à Radio X mercredi, c'est ça? Est-ce que vous revenez? La gang, quand est-ce que vous revenez? Ouais, le 3, là. Le 3 janvier, vous revenez. Okay. Fait qu'on se reparle samedi prochain. Voilà, c'était la chronique de la NFL avec Marc Diquet.